C'est un réseau social, une messagerie, un média global, un support d'annonces publicitaires, une méthode de certification de l'identité et bientôt une banque mondiale parallèle. Le 18 juin dernier, Facebook annonçait son intention de lancer sa propre monnaie, une crypto-monnaie nommée Libra, officiellement à destination des pays où l'inclusion financière est très faible, particulièrement en Afrique. Mark Zuckerberg vantant les mérites de sa monnaie virtuelle comme un geste vers les laissés pour compte du système bancaire. Sur le papier, ça ressemblerait presque à un geste philanthropique, mais comme toujours avec Facebook, le loup ne serait-il pas à la porte de la bergerie ? Facebook, il ne lui manque plus que la monnaie. C'est le programme sonnant et trébuchant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour débusquer le loup dans le lit de grand-mère, ou en tout cas pour essayer de comprendre de quoi il retourne, quelles sont les ambitions de Facebook avec cette crypto-monnaie et pourquoi plusieurs gouvernements, même les plus libéraux, tremblent, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Janson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignante à la Neoma Business School de Rouen, et Marc Bidan, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école polytechnique de l'université de Nantes en management des systèmes d'information. Mais avant de plonger dans les méandres de la finance dématérialisée, les toutes dernières nouvelles de l'actualité scientifique, c'est le journal des sciences avec vous, Natacha Triou, bonjour. Bonjour Nicolas. Et on commence par cette étude publiée dans la revue Nature. Pendant les grossesses, l'ibuprofène et le paracétamol peuvent avoir des conséquences sur la santé de l'enfant. On savait que la molécule ibuprofène pouvait être un perturbateur endocrinien et avoir une influence sur les gamètes. Là, cette étude va un peu plus loin. L'Institut de génétique humaine de Montpellier a traité des souris en gestation avec un cocktail paracétamol-ibuprofène. Les chercheurs ont observé des conséquences sur le processus embryonnaire de détermination sexuelle, une étape essentielle pour que les organes reproducteurs soient correctement maturés. Ils ont observé par la suite, sur les différentes générations de souris, qu'il y avait des répercussions sur la fertilité de la progéniture et notamment sur le vieillissement prématuré de l'ovaire. Le vieillissement prématuré de l'ovaire est un gros problème actuel, c'est une pathologie en constante augmentation. Selon cette étude, ces médicaments sont de nouveaux facteurs de risque à prendre en compte. Brigitte Boiset-Bonour est directrice de recherche CNRS à l'Institut de génétique humaine de Montpellier. Elle a dirigé cette étude. Nous avons choisi de cibler cette période de détermination sexuelle et nous avons analysé les gonades embryonnaires, tout d'abord à 13 jours, puis en post-natal, c'est-à-dire au moment de la puberté et à l'âge adulte. Et nous avons également analysé la descendance de ces animaux qui ont été exposés in utero et nous avons montré que d'une part, il y avait un défaut de la différenciation de la cellule germinale, donc qui est la cellule précurseur de l'ovule, de l'ovocyte, dans les stades embryonnaires. Donc, il y a un retard du processus de méiose, un processus essentiel dans la différenciation de la cellule germinale femelle. Ensuite, en postnatal, on a détecté un défaut de l'activation ovocytaire et folliculaire, ce qui conduit à l'âge adulte à une accélération du développement folliculaire et un épuisement progressif du stock ovocytaire. Et ce phénotype a été transmis entre la génération F1 et F2, ce qui prouve que ces molécules impactent la cellule germinale selon des mécanismes donc qui sont transmis de façon intergénérationnelle. On passe au bref du jour. Dans American Mineralogist, des géochimistes ont découvert un nouveau minerai dans une météorite. Il s'agit du météorite Wedderburn, découvert il y a bientôt 70 ans. Il pèse 200 grammes, il est aussi gros qu'un citron et sa composition minéralogique était inédite sur Terre, à l'état naturel. Ce minerai détecté a été baptisé Ed Scottit, en hommage à Edward Scott, le cosmologiste qui a découvert ce météorite. Il est composé de molécules de fer et de carbone et il se forme dans des conditions très rares, sous des pressions et des températures extrêmes. Ce minerai aurait pu se former dans le noyau en fusion d'une planète détruite par une explosion. Selon une étude parue dans Nature Communications, pendant des examens de maths, l'écart de performance entre les hommes et les femmes disparaît lorsque les exercices sont plus longs. Des études précédentes ont montré que les garçons avaient tendance à avoir de meilleurs résultats que les filles aux examens scientifiques. Pour ces travaux, des chercheurs espagnols et néerlandais ont examiné un ensemble de données de plus de 400 tests de maths de différentes longueurs et venant du monde entier. Ils ont constaté que les hommes obtiennent de meilleurs résultats que les femmes aux tests plus courts, mais une fois que les tests atteignent 125 questions, la différence de performance entre les sexes disparaît. Pourquoi les femmes maintiennent leur performance plus longtemps que les hommes, ça, pour le moment, les chercheurs ne l'expliquent pas. Et enfin, selon une étude d'éthologie parue cette fois-ci dans la revue Scientific Reports, la mémoire des chevaux est basée sur l'émotion. C'est une expérience menée avec 21 chevaux et cela consiste à leur proposer de la nourriture, parfois consommable, parfois pas, en diffusant dans des haut-parleurs des voix humaines différentes selon les aliments. Leur comportement a été filmé, leur activité cérébrale analysée, et les éthologues ont montré que non seulement les chevaux reconnaissent les voix qui accompagnent les stimuli positifs ou négatifs, et surtout qu'ils manifestent plus d'attention à celles associées à des événements positifs. Cette étude le confirme, si vous avez eu une mauvaise expérience avec un cheval, sachez qu'il se souvient de vous. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez retrouver en podcast bien entendu, ainsi qu'en différé sur franceculture.fr sur la page dédiée du Journal des Sciences et bien sûr, comme tous les jours, via toutes ces études, eh bien vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. À 16h07 donc, c'est le 18 juin dernier que Facebook annonçait le futur lancement de sa propre crypto-monnaie baptisée Libra et prévue donc pour être lancée mi-2020, une crypto-monnaie qui ressemble au Bitcoin, qui a la saveur du Bitcoin, mais qui n'est pas vraiment ni tout à fait le Bitcoin. Si le Libra sera basé sur la technologie du blockchain, comme les autres crypto-monnaies, on y reviendra, c'est un blockchain un peu aménagé, à l'envergure réduite en quelque sorte, de même que le Libra sera indexé sur la valeur nominale d'un pool de monnaie composé du dollar, de l'euro, de la livre sterling et du yen. Écoutez l'annonce du lancement de Libra le 18 juin dernier dans ce reportage télévisé. Le géant Facebook a décidé de lancer sa crypto-monnaie dès l'an prochain. La Libra permettra donc à ses 2 milliards d'utilisateurs de payer leurs achats en ligne et surtout de transférer des fonds sans aucun contrôle de la part des banques. Alors à quoi cela peut-il servir? Y a-t-il des risques? Réponse Axel Cariou et Vincent Brossard. Début 2020, uniquement sur Internet, vous pourrez payer avec une nouvelle monnaie virtuelle lancée par Facebook, la Libra. Son cours sera relativement stable puisqu'il sera indexé sur les quatre plus grandes monnaies, le dollar, l'euro, le yen et la livre. Alors, quel intérêt pour les utilisateurs? D'abord, payer d'un simple geste sans avoir à entrer ses coordonnées bancaires chez tous les partenaires de Facebook. Pour l'instant, ils sont 27, dont Free, Uber, Spotify, Booking et eBay. Mais surtout, les 2 milliards d'utilisateurs des applications WhatsApp et Messenger, propriété de Facebook, pourront s'envoyer directement des Libra d'un pays à l'autre sans aucun frais. Quel intérêt pour Facebook? Surveillez vos dépenses. Contrairement aux banques qui se rémunèrent grâce aux services, Facebook va gagner de l'argent en revendant des données. Exemple, vous avez réservé des vacances sur Booking.com. Facebook pourra revendre cette information à Uber, qui à son tour pourra vous proposer un chauffeur pour vous conduire à l'aéroport. Y a-t-il des risques? Oui, en affaiblissant le poids des banques, Facebook pourrait favoriser le blanchiment d'argent et priver les États d'une grande partie des taxes qu'ils collectent. Un nouveau modèle économique qui aiguise les appétits, Samsung, Amazon ou encore Nike, développent eux aussi leur propre monnaie. Voilà, on vous promet beaucoup moins de petits effets numériques dans cette heure d'émission que pendant ces quelques minutes de reportage. Un mot de réaction, Nathalie Janson, Marc Bidan, à ce reportage. Tout ce qui est dit est à peu près correct. Il y a des rectifications à faire, Nathalie Janson. L'essentiel était dit, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien une monnaie qui sera lancée, qui est donc dans la catégorie de ce qu'on appelle les stablecoins ou les monnaies stables. Donc c'est une catégorie bien particulière dans le monde des cryptos et ce n'est pas une catégorie qui pour le moment a eu vraiment la faveur des marchés des cryptos, c'est-à-dire que c'est assez marginal. Pour donner une petite idée, donc le Bitcoin c'est 170 milliards en capitalisation aujourd'hui et comparativement la plus célèbre des monnaies stables, c'est le Tether, c'est simplement 4 milliards. Monnaie stable, c'est parce que adossé à des valeurs référentes, que ce oui. soit d'autres types de monnaies ou d'autres placements financiers type bons du Trésor. Un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre, Marc Bidan ? Non, comme ma collègue, effectivement, l'essentiel a été dit dans ce reportage. J'insisterai pour ma part sur l'originalité du consortium qu'il y a derrière, qui est un consortium privé. Donc de 28, on disait 27 dans le reportage, je crois que c'est 28, voilà, 28 voilà. Puisqu'il y a l'association de Facebook dont on va reparler. Tout à fait, aussi, tout à fait, Facebook plus les 27 autres. Et donc c'est un consortium privé, c'est la Libra Association basée à Genève qui va gérer, piloter, coordonner ce stablecoin. Et effectivement, en cela, c'est assez original. Alors peut-être juste, on va se mettre d'accord aussi sur un point de terminologie, le Libra, la Libra, qu'est-ce qu'on dit ? Le Libra. Spontanément, je dis le Libra, mais... Alors, voilà, on va s'arrêter, parce qu'on disait, on entendait la Libra dans le reportage. On va donc s'arrêter au masculin pour cette monnaie. Une question peut-être pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction. Mark Zuckerberg indique que cette monnaie a pour vocation première d'être accessible à des populations qui n'ont pas d'accès au système bancaire. Donc, présente ça comme une sorte de geste philanthropique, notamment en direction des pays en voie de développement. Évidemment, on pense au continent africain et plus spécifiquement encore pour pousser un peu cette espèce de vocation philanthropique aux femmes dans ces pays d'Afrique. Est-ce qu'il faut croire à cet élan ou est-ce que c'est un écran de fumée, Nathalie Janson ? Alors de toute façon, les crypto-monnaies peuvent avoir en effet un intérêt pour les pays qui sont dans une instabilité monétaire puisque elles offrent la possibilité d'être stable dans le cas du Libra. Et en plus, ça permet des transactions avec des coûts bien moindres au niveau des transactions, enfin, du coût financier, que ce qui est possible dans ces pays-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, au niveau des transactions, comme on ne passe pas par un intermédiaire financier, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de temps de latence. Donc, par conséquent, les transactions se font immédiatement et à un coût beaucoup plus bas. Marc Bidan, du coup, même question, est-ce que Libra, c'est un grand geste philanthropique de la part de Mark Zuckerberg, qui en a eu d'autres, qui voulait lancer des satellites pour pouvoir permettre une meilleure couverture Internet également dans ces pays? Moi, je pense que, pourquoi pas, il faut pas effectivement faire procès d'intention, pourquoi pas. Mais on a quand même affaire à un consortium privé qui rentre clairement dans des logiques marchandes. Ni Facebook, ni Uber, ni Booking, ni Spotify, ni évidemment tous les intermédiaires financiers qu'il y a derrière, PayPal... Ils sont tous des membres Visa, du consortium. Hein. Voilà, tout cela sont avant tout des entreprises. Le but du jeu, ça va être de gagner de l'argent et d'augmenter les parts de marché. Et quel est le business model qu'il y a derrière, celui de Facebook comme beaucoup d'autres, c'est de collecter des données les plus qualitatives possibles pour pouvoir les revendre les plus chères possibles. Qu'elle soit utilisée dans les pays en développement où il n'y a pas beaucoup d'électricité, où il n'y a pas d'infrastructures qui vont porter des échanges Internet. Là, oui, l'accès à l'Internet est plus difficile. Oui, la moitié de l'Afrique n'est pas électrifiée. Vous sortez des grandes villes, il n'y a plus d'Internet. Par contre, il y a la téléphonie, il y a des technologies qui sont alternatives. L'Afrique n'a pas attendu Facebook pour payer avec Momo, avec M-Pesa ou avec Orange Money, quoi. Qui sont, donc, vous pouvez nous préciser ce que sont ces systèmes d'échange? Ce sont des systèmes d'échange de... Par carte par, Par téléphone, par SMS, avec des technologies très très simples, très frugales. Momo, Mobile Money ou M-Pesa, c'est du téléphone et ça passe en brousse. On n'a pas besoin des infrastructures électriques et numériques de l'Internet. On a besoin de la téléphonie mobile. Donc, pour résumer, je ne vois pas, peut-être effectivement c'est un aspect équipant l'Afrique, je parle de l'Afrique, mais avant tout, collectons des données qualitatives, parce que là dans les données, là il y aura des dimensions financières, et revendons-les le plus cher possible. On lit beaucoup, Nathalie Janson, que l'objectif derrière l'instauration de cette crypto-monnaie, du Libra, c'est précisément de revaloriser la collecte, la qualité des données collectées par Facebook, qui s'est beaucoup dégradée. Pourquoi? Comment est-ce que ça peut fonctionner, ça? Alors, en effet, les Libra pourraient, on, on peut avoir des données plus fines sur effectivement les profils de dépenses des personnes qui l'utiliseront. Donc c'est pour en cela qu'il y aura une qualité d'information supérieure. Maintenant, on a parlé aussi du fait que, étant donné qu'il est beaucoup critiqué sur la gestion de l'information, il y aurait l'émergence d'un modèle selon lequel on permettrait d'avoir un accord en fait de l'utilisateur, puisqu'en fait on lui proposerait pour pouvoir commercialiser, enfin en tout cas permettre d'avoir ce Libra, de visionner en fait des publicités. On demanderait donc l'accord de l'utilisateur, on demanderait est-ce que vous voulez visionner, et du coup il serait rémunéré en Libra. Donc Facebook atteindrait deux objectifs, à la fois celui de demander le consentement, voilà, et celui en fait de faire circuler le Libra pour donner l'habitude aux consommateurs de l'utiliser. Marc Bidon, c'est une forme de rémunération de la publicité directe, donc revalorisation de l'affichage publicitaire qui, rappelons-le, 98% des revenus de Facebook. Tout à fait. Et c'est aussi, comme le dit ma collègue, c'est aussi un moyen d'avoir le consentement de l'usager qui devient consommateur. Et s'il devient consommateur, il a aussi des droits, mais il y a aussi une capacité de monétisation des données que j'ai collectées. Et ça, c'est fondamental. Moi, pour remettre en perspective, Facebook, je pense, dans le titre de votre émission, il y a disruptif. Est-ce que c'est disruptif ou pas? Ce qui est disruptif dans cette initiative, qui n'existe pas, hein. On parle du premier semestre 2020. Pour le moment, il n'y a ni Libra, ni Calibra, hein. On a juste des... Calibra qui est l'association de Facebook qui serait intégrée au consortium. Exactement. Calibra est une filiale de Facebook qui fait partie du consortium, mais qui sera le portefeuille électronique ou le porte-monnaie électronique qui supportera la monnaie, le Libra. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, on est dans le premier semestre 2020, on est dans les annonces. Et les dernières annonces de Facebook, hein, qu'on a en accès libre, hein, sur Internet, hein, sur les white papers, disent attention, on va essayer de respecter le régulateur. Ce qui s'est passé au G7, et notamment au G7 de Chantilly là en juillet, fait peur. Hein, le régulateur n'est pas, évidemment, c'est à moins qu'on puisse dire, n'est pas très heureux. Ça, on en reparlera, ouais. Donc je pense pas que Zuckerberg, et surtout David Marcus, qui est l'homme clé, effectivement. Derrière Libra. Qui est derrière Libra, derrière surtout l'ex PDG de PayPal, quand même, d'origine française. Surtout ce David Marcus, ils vont pas affronter les régulateurs. Ils vont essayer de tester, ça marche, ça marche pas. Et fondamentalement, pour remettre en perspective, je pense que Facebook a besoin de reprendre la main en termes technologiques, en termes d'innovation technologique, et c'en est une, c'est tout. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h17, nous parlons donc aujourd'hui du Libra, de cette crypto-monnaie que veut instaurer Facebook, vraisemblablement en milieu d'année prochaine, en tout cas selon les annonces qui ont été faites jusqu'à présent. Nous en parlons avec Nathalie Janson et Marc Bidan. Peut-être pour revenir un peu derrière ou à la source, au code source quasiment pourrait-on dire, rappeler Nathalie Janson, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Comment ça marche? Alors, une crypto-monnaie, c'est une monnaie, en fait, qui, effectivement, est virtuelle et qui, contrairement à la monnaie qu'on connaît, n'est pas émise par un tiers de confiance et donc va être... son offre, en fait, et en général, il repose sur des algorithmes et c'est donc la production de ces crypto-monnaies, en fait, suivent des algorithmes. Donc, elles ne sont pas produites par une décision humaine, si vous voulez, mais par des algorithmes. Des algorithmes particuliers qu'on appelle le blockchain. Vous pouvez nous en dire un mot, Marc Bidan? On en a beaucoup parlé ici, on va vous mettre des liens vers la chaîne de blocs en français, voilà. C'est un énorme fichier, hein, c'est une énorme base de données, c'est tout, hein, qui est partagée par des millions d'utilisateurs potentiels. Alors si elle est publique, on dit qu'elle est sans permission, donc tout le monde peut accéder à la chaîne de blocs et voir ou ne pas voir quelles sont les modifications qui ont été apportées. Et donc tout le monde peut miner, c'est-à-dire créer des unités de monnaie. Peut essayer de miner. Ouais, essayer, parce que ça, il faut avoir... Voilà, parce que la force de frappe numérique, la force de frappe est tellement énorme que plus personne, plus aucun particulier ne peut s'aventurer dans le minage. Bon, mais en tous les cas, si c'est... Peut-être quelques-uns ont perdu, avec des grosses puissances du calcul, sait-on jamais. Si on veut. Mais en tous les cas, voilà, le particulier de base, non. Les fermes de minage, oui. Et si cette chaîne de blocs n'est pas accessible, est avec une permission, ce qui sera le cas de la chaîne de blocs sur laquelle sera adossé le Libra, eh bien, dans ce cas-là, on a toujours cet énorme fichier, cette énorme base de données, partagée, mais partagée entre un nombre d'acteurs restreint. Limité. Voilà. Et chacun de ces acteurs, là, ils sont, pour le moment, ils sont 28, mais à terme, ils seront une centaine, possèdent ce qu'on appelle un nœud de validation, c'est-à-dire un droit de regard sur la blockchain et sa validation. Et sur la production d'unités de monnaie. On va y revenir dans un instant. Peut-être, j'aimerais tout de même vous poser une question, Nathalie Janson, le Bitcoin, on a, je vous dis, beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé ici dans la méthode scientifique, notamment, et ça a défrayé l'actualité, pour ses bons et ses montagnes russes en matière de spéculation. Aujourd'hui, ces monnaies virtuelles-là, elles restent vraiment essentiellement virtuelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des refuges spéculatifs qui n'ont pas vraiment été transformés par l'économie réelle. Alors, en effet, le Bitcoin, dont l'essence, en fait, c'est vraiment de vouloir être une monnaie au départ, puisque en fait, il est très important de comprendre la philosophie du Bitcoin, qui est une vraie revendication politique au démarrage, puisque en tout cas, le groupe qui l'a conçu, ou la personne, ça dépend comment on veut l'interpréter, l'idée, c'était de vouloir isoler, en fait, la gestion monétaire des hommes politiques et de la décision humaine. Voilà. Donc, effectivement, en produisant la monnaie par un algorithme, bien évidemment, il n'y avait plus de décision humaine. Et puis, il n'y avait plus non plus d'interférence avec la sphère politique. Donc, en cela, en fait, c'est plutôt une idée qui a circulé de nombreuses fois en théorie monétaire où certains courants, en fait, soulignaient le fait que le mariage des gouvernements et de la monnaie n'était pas un bon mariage et qu'il fallait séparer les deux. Vous avez l'école du public choice, qu'il a longtemps souligné, même le monétarisme dans une certaine mesure voulait aussi isoler la décision monétaire des hommes politiques en fixant une règle fixe de production. Donc là, on retrouve la même idée. On a une règle fixe de production, on va même plus loin puisqu'on a une quantité finie qui est de 21 millions, qui donc n'est pas encore atteinte aujourd'hui puisqu'on est à 17 millions. De Bitcoin, hein, toujours. Bitcoin, voilà. Qui sera il ne peut pas y avoir. Exactement. Une fois qu'on aura atteint 21 millions, le blockchain sera terminé. Oui. Donc, par nature, on dit que le Bitcoin est déflationniste, puisque ça veut dire en réalité que comme l'offre est complètement rigide, c'est-à-dire l'offre elle est juste déterminée par cet algorithme, forcément chaque fois qu'on a une forte demande, eh bien le prix augmente fortement. Donc on dit que le marché c'est la demande qui va en fait dicter le marché, et c'est pour ça qu'on a cette volatilité. Et ce que je veux dire, c'est que cette idée un peu utopiste de monnaie alternative, évidemment de monnaie contre un système financier un peu, alors j'aime pas beaucoup ce mot, mais vous l'avez employé, Marc Bidan, vous étiez le premier, donc du coup je peux utiliser cette idée disruptive, mais vraiment d'une sorte d'économie parallèle qui serait entre les mains des citoyens numériques, entre guillemets. Cette idée, elle s'est un peu fracassée sur le mur du réel, dans le sens où aujourd'hui, le Bitcoin n'est plus qu'une sorte de refuge spéculatif et encore une fois, n'a pas été transformé vraiment dans l'économie réelle. Alors, il y a quand même eu un peu de transactions réelles qui s'effectuent, mais effectivement, par rapport au reste, c'est-à-dire que comparativement au reste des transactions, on a effectivement une progression bien moindre que celle qu'on pouvait espérer de l'utilisation du Bitcoin dans les transactions réelles. Marc Bidan, sur cette notion du fait que le Bitcoin ne soit pas devenu finalement la monnaie d'échange qu'elle aurait aimé être. Je pense que vous avez raison sur les aspects utopiques, hein, ou sur les aspects, là on peut aussi passer, si on veut se passer de tiers de confiance, donc des banques centrales, effectivement, et on veut que les usagers, les consommateurs reprennent la main sur la monnaie. Bon, ben voilà, il y a une dimension un peu utopique, un peu... Mais elle se heurte à la réalité de la volatilité. Voilà, vous pouvez pas acheter un café ou acheter un bouquin dans une librairie sans savoir le cours à peu près, quoi. La volatilité du Bitcoin récente, mais des autres crypto-monnaies, hein, en fait, hein. On parle de Ethereum, Ripple, elles sont quand même beaucoup trop volatile pour que le consommateur lambda s'en empare pour la consommation. Et c'est pour ça que le Libra et le consortium qu'il y a derrière ont compris, hein, et ont proposé un stablecoin, donc une stabilité qui va normalement inciter à l'utiliser. On va rappeler, hein, le stablecoin, c'est le fait que le Libra sera donc adossé à un pool de monnaie qui comprend le dollar, l'euro, le yen et la livre sterling, ainsi que des valeurs comme des bons du trésor. C'est-à-dire qu'en fait, de facto, il va y avoir une sorte d'organe de gouvernance qui va ressembler à une banque centrale du Libra, Nathalie Janson. Alors, Pas tout à fait. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis de toute façon, pour le moment, c'est pas non plus extrêmement théorique clair, pour hein. le voilà, moment. C'est, voilà. c'est très théorique et puis pas extrêmement précis la façon dont ça va être géré. Mais en effet, il parle de la détention dans des institutions financières de comptes de dépôt. Donc voilà, des dépôts en plusieurs monnaies. Donc c'est pas une, mais c'est plusieurs institutions. On parle pas d'une institution. Et on parle aussi de détention de titres. Ce qui, par rapport, encore, si on regarde aux stablecoins existants, est pas forcément le modèle existant, qui n'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Généralement, c'est plutôt effectivement des dépôts en dollars jusqu'à maintenant, puisque les stablecoins sont plutôt venus des États-Unis. Mais pas exclusivement, vous avez des stablecoins qui ont aussi comme réserve, en fait, des crypto-monnaies elles-mêmes. Faut bien rappeler que les stablecoins sont aussi nés, justement, pour pallier à ce problème de volatilité de monnaie comme le Bitcoin. Alors, pour essayer de comprendre techniquement quelles sont les différentes et ce que la technologie derrière le Libra change et en quelle mesure elle change la philosophie de cette crypto-monnaie par rapport aux autres crypto-monnaies, eh bien, bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est avec vous qu'on va voir ça. Vous avez rencontré un chercheur en sécurité informatique de la Quadrature du Net. Alors, on peut dire aux auditeurs que la Quadrature du Net n'est pas franchement un ami de Facebook et des grands réseaux sociaux. Liberté individuelle des citoyens sur Internet. Néanmoins, ce chercheur en sécurité informatique vous a expliqué le principe et les limites a priori de ce Libra. Oui, Axel Simon est spécialiste des blockchains. Il a consulté le livre blanc du projet Libra qui a été publié en juin dernier pour comprendre les spécifications techniques de son algorithme. Alors cet algorithme, il repose sur un système dit de tolérance aux failles byzantines. C'est une approche qui s'inspire d'une stratégie bien connue dans le domaine militaire, sous le nom de problème dit des généraux byzantins, qui permet d'aboutir à un consensus pour la bonne exécution des transactions. Déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que ça va pas être une blockchain telle qu'on l'a vu dans des systèmes comme Ethereum ou Bitcoin, où n'importe qui peut participer et n'importe qui peut aider à faire tourner le système. C'est à la place ce qu'on appelle une blockchain avec permission. Donc il y aura un nombre d'acteurs restreints qui pourront participer à ce réseau, à ce système. Et donc on aura une beaucoup plus faible variété des acteurs investis. Alors l'algorithme est un algorithme de consensus, dit BFT pour... Ouais, Byzantine Fault Tolerant. Donc en fait, c'est quand il y a plusieurs entités, que ce soit des humains ou des ordinateurs, ça change pas grand-chose. Quand il y a plusieurs entités et qu'elles doivent se mettre d'accord sur une réalité, il faut arriver à un consensus, il faut se mettre d'accord. Les humains font ça très très bien de plein de façons différentes. Mais dans d'autres cas... Un problème de communication, est-ce qu'on pourrait prendre un problème le problème des généraux byzantins par exemple? Ouais, le problème des généraux byzantins, c'est il y a plusieurs généraux qui font le siège d'une ville. Si jamais ils l'attaquent en même temps, ils gagneront. Mais si jamais il y en a certains qui fuient et que les autres attaquent, ce sera une défaite cuisante et ce sera un drame. C'est un problème de communication et de timing. C'est un problème de communication et c'est un problème de savoir si tout le monde va, si tout le monde va agir et si tout le monde est présent. Du coup, les ordinateurs ont le même problème. C'est-à-dire que s'ils sont plusieurs et qu'il y a quelque chose qui se passe, pour pouvoir prendre des décisions correctement, ils doivent être tous d'accord au moins sur ce qui s'est passé et dans quel ordre. Le problème des généraux byzantins, c'est qu'en gros, certains généraux peuvent mentir. Ils peuvent commencer à faire croire qu'ils ne sont plus là alors qu'ils sont encore là. Ils peuvent donner une fausse réponse en disant « oui, je vais attaquer » alors que non, ils ne vont pas attaquer. Ou l'inverse, « non, je vais pas attaquer » alors que oui, ils vont attaquer. Bref, on peut plus faire confiance aux réponses. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour arriver quand même à se mettre d'accord dans l'ensemble du groupe? Donc c'est pas magique, c'est vrai qu'il y a des limites. Généralement, les systèmes partent du principe que pas plus d'un tiers des acteurs du système peuvent mentir, peuvent être défaillants. Si plus d'un tiers des acteurs sont défaillants, on ne peut plus rien garantir et du coup le système soit s'arrête, soit ne garantit plus, laisse tomber les garanties. Il faut un seuil de tolérance aux malveillances qui peuvent venir dans des acteurs du système. Il y a toujours un seuil de tolérance dans tous les systèmes distribués. Par exemple, aucun système ne peut résister à 100% de défaillance. Donc chaque général peut être considéré comme étant un ordinateur. Il peut non seulement ne pas répondre, mais il peut aussi se planter, donner une fausse réponse. Il peut être manipulé pour donner une mauvaise réponse. Enfin, en gros, il y a plein de problèmes qui se créent dans cet espace-là. La blockchain de Bitcoin, ça a été une nouvelle réponse au problème des généraux byzantins. Dans le cas de Facebook, on est non plus sur n'importe qui peut participer. Et donc, quand il y a n'importe qui, il y a des grandes chances qu'il y ait des acteurs malveillants. On est dans un système où on est sur 28 acteurs qui sont tous dans une relation de confiance et qui ont plutôt intérêt à ce que le système fonctionne. Donc, l'idée, c'est que ils ne vont pas mentir, ils vont tous jouer le jeu, mais en parallèle de ça, on peut se demander dans quelle mesure on a confiance que moins d'un tiers de ces acteurs-là n'entrent en collusion pour faire défaillir le système ou pour le faire mentir ou pour juste le manipuler de manière légère à l'avantage de l'un ou de l'autre, etc. Et c'est là la vraie difficulté. la conséquence d'un système comme Ethereum ou comme Bitcoin ou comme Zcash, enfin beaucoup de systèmes qui sont basés sur ce qu'on appelle sans permission, donc n'importe qui peut rentrer et participer à faire tourner le protocole de consensus, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance en quoi que ce soit. On est obligé de tout vérifier tout le temps. Donc les systèmes sont lents, parce qu'il y a de la vérification dans tous les sens, mais tant qu'on a confiance en l'algorithme en lui-même, son implémentation qui normalement est libre et open source, qu'on peut aller vérifier, et le matériel sur lequel ça tourne, ça fait quand même déjà pas mal de conditions, mais globalement, on pense que le système fonctionne normalement et que personne ne peut tricher. Quand on rentre dans les systèmes avec permission, généralement, on peut relaxer certaines conditions, et donc on ne vérifie plus tout le temps. On part sur le principe que peut-être, on n'a pas besoin d'être sûr qu'au moins 50% des gens sont, comme je disais tout à l'heure, on passe à un tiers plutôt que 50% des acteurs sont corrects. Un tiers serait suffisant. En gros, ouais, c'est Bitcoin, c'est jusqu'à 5, enfin, les Bitcoin et les autres preuves de travail, c'est jusqu'à 50% des acteurs, et plus de 50% d'acteurs malveillants, là, ça marche plus. Et dans les systèmes à feu de Byzantine, on descend à un tiers parce qu'on part du principe que les gens, enfin, globalement, il y aura moins d'acteurs malveillants. C'est justement une des façons de relaxer les conditions du système. Donc, on a un système plus efficace. Plus rapide. On a un système généralement plus rapide qui peut gérer beaucoup plus d'événements par. De transactions. Ouais, dans ces cas-là, ça va être des transactions dans le cadre du Libra. Mais c'est des événements en général. Enfin, c'est se mettre d'accord sur des événements qui ont eu lieu. On peut en gérer beaucoup plus dans un système avec permission parce qu'on peut faire d'autres choix techniques qui permettent d'alléger les vérifications, d'alléger la charge. Et on peut faire des choses tout simplement où on élit. Par exemple, un des systèmes simples, c'est de dire on est 30, on élit quelqu'un à tour de rôle. Et cette personne-là fait la décision. Point. Parce qu'on sait, on connaît le nombre d'acteurs. Le tirage aléatoire peut pas marcher dans un système où le nombre d'acteurs peut aller et venir. Enfin, des conditions différentes mènent à des systèmes différents. Et le choix du Libra de faire un système avec permission, c'est parce qu'ils partent sur un consortium avec des gens qui sont déjà préétablis. Et on se demande bien comment ils vont passer par la suite à autre chose, d'ailleurs. Voilà le reportage du jour sur cette spécificité du Libra par rapport aux autres blockchains et à ce système de tolérance aux failles byzantines. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre. Marc Bidan, vous me disiez pendant le reportage qu'il y avait tout de même des passagers clandestins malgré... Le reportage est excellent et effectivement la différence 50% dans les sans permission et 30% dans les avec permission, c'est le tiers de confiance en fait. Hein. Je pense qu'il faut remettre en perspective la stratégie du consortium et donc celle de Facebook. Je voudrais commencer par une toute petite anecdote. Je pense qu'on est quand même quelques-uns à avoir remarqué que quand vous rentrez sur Facebook maintenant, la page d'accueil, le fameux « c'est gratuit et ça le restera toujours » a disparu. Depuis deux jours. Oui. Et il est remplacé par un total fade. « C'est facile et rapide ». Voilà. Simple and easy, oui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, Facebook quitte une logique non marchande, de mise en relation, de coordination de gentilles activités, pour entrer dans une logique marchande. C'est pas méchant, c'est juste clair. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique marchande? Il y a la monétisation claire et exhaustive des données qu'ils vont collecter. Et donc, ce consortium-là permet à Facebook d'avancer un peu masqué, perdu un peu dans les 28, mais je ne suis pas sûr que les 28 acteurs aient déjà la taille de Facebook, c'est une évidence, mais même la même stratégie. Des Spotify, des Vodafone, des... Iliad en français. Iliad, Xavier Niel, effectivement. La maison mère de Free, rappelons-le. Oui, la maison mère et Xavier Niel. Alors, je pense que ceux-là, ils sont là. Ils payent pour voir, c'est comme au poker. Il vaut mieux être dans le train que sur le quai. Mais la stratégie in fine, ils ont payé leurs 10 millions d'euros de tickets d'entrée. L'ont-ils tous payé d'ailleurs? Alors ça, on n'a pas les informations. Hein. Et autre information importante... Parce que pour le moment, le ticket d'entrée pour être dans le consortium est de 10 millions d'euros. Ça risque de changer dans le futur. En tout cas, Facebook laisse entendre que ça va devenir... Plus cher. Exactement. Il y a un japonais, la Monex, qui met 100 millions sur la table. Maintenant, plus on va arriver vers l'échéance, plus des acteurs vont sortir du bois, dire ça m'intéresse et je paye. En tous les cas, ceux qui sont présents pour être dans le train, pour participer à cette aventure, souvent dans une logique vaut mieux être dedans que dehors. Mais maintenant, les stratégies individuelles ne sont pas aussi claires que ça, ne sont pas aussi convergentes que ça, et il y aura évidemment des conflits d'intérêts entre les mastodontes que sont Facebook, Uber et Booking, par exemple, et des ONG. Il y a des ONG dedans. Il y a des petits établissements financiers de Hong Kong, par exemple. On va vous mettre sur le fil Twitter la liste complète. Elle a été publiée. On a la liste complète. Oui, bien sûr. Bien sûr. On va vous mettre la liste complète. Et en tous les cas, les stratégies sont différentes. Sur le fil Twitter, @ la méthode FC. Nathalie Janson, un mot de réaction à ce reportage plus généralement, aux passagers clandestins ou au reste? Oui, ce qui est intéressant effectivement dans le reportage, c'est cette idée de bien montrer les différences entre la validation, donc les systèmes ouverts et les systèmes donc avec permission, et le fait que Libra ait opté pour un système avec permission. Parce que dans la communauté effectivement des crypto-monnaies, on se pose aussi des questions sur la capacité d'un système conçu comme avec permission d'évoluer réellement. Enfin, est-ce que c'est vraiment crédible qu'un jour ils iront vers un système totalement ouvert? Il y a beaucoup de doutes de cette possibilité de le faire, parce que à nouveau c'est une philosophie en fait d'approche totalement différente, sans vouloir trop insister, mais si on revient au Bitcoin, c'est un projet différent. Le Bitcoin, c'est vraiment, alors, sans doute c'est peut-être effectivement une utopie, mais c'est l'idée que on va empowered à nouveau, les gens vont reprendre la main, vont reprendre le pouvoir, et donc c'est la communauté qui va générer la confiance. Donc cette idée que c'est vraiment la confiance née de la communauté, et comme on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui à tous les problèmes, on va laisser la communauté s'organiser pour générer ces solutions. C'est effectivement pas du tout l'approche qui est celle de Facebook. And bees, give me some money. I need money. I need money. Oh, yes, that's what I'm on. What I'm on. Your love give me such a thrill. But your love don't pay my bills. I need money. De Johnny Hooker sur France Culture à 16h37 dans la méthode scientifique, puisque nous parlons d'argent, de monnaie, de crypto-monnaie exactement, et plus précisément de celle que Facebook veut initier d'ici bien à peu près un an, peut-être un peu moins, en tout cas à la mi-2020. Nous en parlons avec Nathalie Janson, qui est économiste, enseignante à la Neoma Business School de Rouen, et avec Marc Bidan, qui est professeur de management des systèmes d'information à l'école polytechnique de l'université de Nantes. Et bien, mais comme tous les mercredis, et bien environ à mi-parcours, c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Zamaria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Max Planck pour le droit procédural au Luxembourg, en cinquième année de thèse en droit réalisée auprès de Mathias Audit, qui est professeur à l'Université Paris 1. Vous travaillez sur des monnaies sans état, réflexion socio-juridique sur l'appropriation des crypto-monnaies. On vous écoute. Tout à fait, merci beaucoup de me donner cette belle opportunité. Quand on discute de monnaie, surtout avec un juriste, on entend parler de la souveraineté monétaire, du caractère régalien du droit de battre monnaie, privilège du souverain. de Jean Bodin, qui affirmait au XVIe siècle que battre monnaie est un pouvoir du souverain de même nature que la loi, un pouvoir si important qu'on prête à Mayer Rothschild, le père de la finance internationale, la phrase suivante « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. » Nicolas, vous rentrez de vacances, vous avez peut-être utilisé vos miles pour payer des billets d'avion. Les miles ont une valeur considérable. The Economist vient de publier un article parlant du phénomène d'inflation des billets d'avion qui coûtent de plus en plus de miles. Vous jouez peut-être le soir à Second Life, un jeu en ligne où vous utilisez des Linden Dollars, une monnaie virtuelle qui vous permet d'acheter, vendre ou louer des biens numériques sur un monde virtuel. Dimanche, vous irez au marché, vous ferez vos achats avec l'abeille, le sco, le florin ou l'une des dizaines de monnaies locales complémentaires qui sont utilisées dans de nombreuses communes de France. Et demain, on remboursera nos dettes avec le Libra, donc sur Facebook, WhatsApp ou Messenger. Et tout cela relève d'une manière ou d'une autre du phénomène de diversification monétaire. Alors que les liens entre monnaie et État semblent affectés, le Bitcoin a été conçu en 2008 pour bâtir une alternative au système monétaire actuel. Et l'un des objets de ma thèse est d'analyser juridiquement le Bitcoin comme un projet institutionnel et monétaire, notamment à la lumière de l'idéologie qui le sous-tend. Donc un projet institutionnel et monétaire bâti sur la défiance. Défiance par rapport à quoi? Par rapport à l'État qui risque d'utiliser les avantages qu'offre Internet en termes de liberté pour accroître sa surveillance et son contrôle. Défiance par rapport à la politique monétaire qui provoquerait de l'inflation, des récessions, du chômage. Et par rapport au système bancaire qui fonctionnerait par le profit et la corruption. En réaction, le Bitcoin est une consécration technologique du projet hayekien de monnaie en concurrence gagée sur des commodités telles que l'or et déconnectée du service bancaire. On parle d'or, d'or digital, à cause des mineurs, mais aussi parce qu'on peut l'échanger, d'ailleurs, de façon, et le stocker de façon plus commode que l'or, et parce que le Bitcoin reproduit quelque chose de très convoité, de très unique à l'âge d'Internet et de la prolifération de l'information, la rareté numérique. Il est impossible qu'un Bitcoin soit dépensé deux fois quand un objet physique ne peut pas être à deux endroits en même temps. Il remplit les trois fonctions de la monnaie. Et si je voulais relever et résumer les paradoxes du Bitcoin, c'est une synthèse inédite qui a des implications philosophiques et juridiques. C'est une monnaie commodité sans or. On parle de métallisme digital, de quoi poser des questions sur ce qu'est la valeur intrinsèque. Une monnaie fiduciaire sans état. Il n'y a aucune valeur intrinsèque, mais une valeur du fait qu'elle est acceptée et désirée par une communauté d'utilisateurs. Et une monnaie crédit sans dette. Le système Bitcoin n'est pas bâti sur la dette, mais sur la blockchain qui sert de registre pour les crédits des possesseurs du Bitcoin. Donc cela pose des questions juridiques et les autorités de régulation, les juridictions ont des approches différentes. Est-ce un titre financier? Est-ce un instrument de paiement, une sorte de PayPal dématérialisé? Est-ce un bien meuble immatériel? Est-ce une commodité? Mais au-delà de toutes les questions de régulation, le Bitcoin est une excellente opportunité de s'interroger sur ce qui fait l'essence de la monnaie. La monnaie n'a pas été inventée, pas plus que la musique, l'écriture ou le langage. C'est une des plus anciennes institutions. Comme l'affirme Mises, un des fondateurs de l'école autrichienne d'économie, la monnaie est un concept éminemment psychologique et subjectif. Et au lieu de chercher une vérité absolue sur la monnaie, on peut considérer que tout dépend du cadre institutionnel dans lequel on la considère. Et si je peux dire un mot sur le Libra, vu le pouvoir des GAFA actuellement, il recycle les avantages du Bitcoin, des transferts d'argent gratuits et instantanés, l'émancipation et l'inclusion financière dans les pays en développement, paiement fiable, valeur stable, etc. Mais à quel prix? Celui des risques sur le système financier, de risques pour la confidentialité des utilisateurs et d'un écosystème qui ressemble à un cartel de grandes entreprises, bien loin de l'idéal de décentralisation des crypto-monnaies. Alors que l'hubris d'un Mark Zuckerberg le conduit à parler d'un service public financier et qu'Amazon se prépare à lancer sa propre monnaie, le sujet de leur régulation n'est pas prêt à se tarir. Juste pour reprendre la citation attribuée à Rothschild, ceux qui font les lois doivent peut-être s'inquiéter de ceux qui veulent contrôler la monnaie. Merci beaucoup Alain Zamaria. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission, peut-être une réaction plus générale et puis on va partir de cette présentation pour développer un peu justement le rapport que peuvent avoir les acteurs institutionnels avec l'émergence de Libra et comme vient de le dire Alain, des peut-être futures crypto-monnaies d'autres opérateurs numériques type Amazon. Une réaction Nathalie Janson, est-ce que vous venez d'écouter? Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir que les crypto-monnaies, effectivement, sont nées en dehors de la volonté de l'État ou en tout cas en dehors de la sphère de l'État. Et ça a juste rappelé une chose, une évidence qu'on oublie souvent, c'est qu'effectivement, la monnaie, elle a juste émergé des transactions. Voilà. Donc les individus ont juste besoin de faire des transactions. Ils n'ont pas eu besoin de l'État. C'est pour ça que ne concevoir la monnaie qu'à travers la frappe de la monnaie par l'État, c'est un peu réducteur, puisqu'en fait la monnaie existait tout simplement. Et ensuite, évidemment, l'État s'y intéressait parce qu'il avait intérêt à s'y intéresser pour des considérations de finances publiques tout à fait depuis la nuit des temps. Et puis de géopolitique et de maîtrise du territoire, de l'unification, de l'unité du territoire. Marc Bidan ? Oui, oui, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir la vision, le point de vue d'un juriste, hein, parce que effectivement, ça remet en perspective des thématiques qui sont complexes. La monnaie est une thématique complexe. Moi, ça me fait penser au discours en juin, je crois, Bruno Le Maire devant l'Assemblée, juste quand il préparait le G7 Finance qui aurait lieu en juillet à Chantilly. Il a insisté sur OK pour le Libra en tant que instrument de transaction, je crois que c'est ça son terme. Eh bien, écoutez, surtout pas en tant que monnaie souveraine. On l'écoute. Facebook a effectivement annoncé sa volonté de créer à partir de 2020 sa propre monnaie numérique. S'il s'agit d'un instrument de transaction, pourquoi pas? S'il s'agit en revanche d'une monnaie souveraine, ça ne peut pas être le cas. Une société privée ne peut pas et ne doit pas créer une monnaie souveraine qui pourrait entrer en concurrence avec les monnaies des États. Signe. Justement, voilà, les grands esprits se rencontrent. Marc Bidan, je voulais évidemment en venir à ça. On vient de l'entendre. Pourquoi est-ce que Libra, on entend Bruno Le Maire, d'autres États, les États-Unis sont extraordinairement hostiles. Tous les États ont l'air de dire il n'en est pas question. Pourquoi tant d'hostilité? Qu'est-ce qui fait trembler les frappeurs de monnaie légitime, entre guillemets, face à ces nouveaux acteurs? Bon, moi je pense que tout simplement, ce sont les 2,7 milliards d'utilisateurs potentiels, c'est tout. Tant qu'un instrument de transaction a lieu à Guingamp, à Sainte-Pazanne ou à Avignon, entre les commerçants et tout, ben c'est plutôt sympathique mais et original, et puis voilà, la monnaie locale et tout. Mais quand cette monnaie locale devient une monnaie privée portée par un consortium qui potentiellement peut faire échanger 2,7 milliards d'utilisateurs quotidiennement, leur faire acheter, leur faire stocker, leur faire des transferts d'argent, ça fragilise le système actuel, c'est tout. Alain Zamaria, un mot? Oui, non, tout à fait. Donc 2,7 milliards d'individus, c'est ce qui change, puisque le projet en soi n'est pas complètement révolutionnaire. Et même le projet d'avoir un instrument de paiement qui peut être utilisé pour déplacer de l'argent d'un endroit à un autre, PayPal faisait déjà ça, et il y a certaines cartes de crédit comme Revolut et plein d'autres d'ailleurs de plus en plus qui vont sur ce créneau. La question, c'est est-ce que aujourd'hui Facebook est en position de rendre le passage par cette crypto-monnaie quasiment indispensable ou obligatoire à l'expérience de l'utilisateur? Est-ce qu'on va tous, utilisateurs de Facebook, se retrouver à un moment donné via Marketplace, qui est l'interface de Facebook qui permet donc de passer des petites annonces et d'acheter ou de faire du commerce? Est-ce qu'on va être obligé, contraint, volontairement ou involontairement, à utiliser Libra? Nathalie Janson. Ça, ce sera Facebook qui fixera la règle. Mais effectivement, en fait, la limite, de toute façon, même les États aujourd'hui, la seule sphère où ils peuvent contraindre en fait l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle la monnaie légale, c'est dans le paiement des impôts. Mais en fait, pour tout le reste, on pourrait payer en ce qu'on veut, c'est tout à fait possible. Il suffit que l'autre partie de la transaction accepte pour qu'on puisse payer même aujourd'hui en dollars, en yens, en ce qu'on veut. Donc je dirais que là, c'est un peu un effet, Bruno Le Maire a voulu montrer les muscles de l'État en disant mais comment, mais en fait, ça fait bien longtemps que les monnaies en fait sont en concurrence entre elles. Bien simplement, sûr. En général, il y a peu d'intérêt pour un utilisateur en France d'utiliser d'autres monnaies. Par contre, c'est le cas inverse dans les pays dont on parle, en Afrique, où effectivement, là, les consommateurs sont à l'affût de monnaies stables et donc d'autres types de monnaies. Mais Facebook ne va pas pouvoir encourager ses utilisateurs à passer par le Libra pour faire des transactions internes sûr, entre si, utilisateurs? Bien sûr, oui. De quelle manière, par exemple? Eh bien, par exemple, actuellement, il y a un énorme marché, c'est les transferts de migrants. Voilà, c'est des dizaines de milliards de dollars annuels. On parle de rémittance. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les virements de migrants vers leur pays d'origine. Voilà, exactement. Moi, je me rappelle d'un papier qu'avait publié un de mes collègues, la Christophe Benavent, sur son blog. La première victime, ça va être Western Union. Voilà, c'est effectivement, là, on va les victimes rapidement, ça va être si les frais de transaction de compte à compte, parce que comme le dit Facebook, il suffira d'avoir une application Calibra pour faire plus 100 d'un côté et moins 100 de l'autre. Si c'est le cas avec des frais de transaction, ils ont pas dit que ça serait nul, hein. Ils ont dit que ce serait limité aux des centièmes de centimes. Voilà, voilà, et limité pour les frais de fonctionnement de Calibra. Donc, si effectivement les frais de transaction n'ont rien à voir avec ce que prend Western Union ou d'autres compagnies, là effectivement ces compagnies classiques vont perdre beaucoup d'argent. Deuxièmement, une autre incitation possible, c'est de faire payer en Libra moins cher. Tout à fait. Tout simplement. Utiliser, puis moins cher. Voilà. Si la marketplace de Facebook, qui est le bon coin, si vous voulez. Mmh. Hein, pour le moment, il n'y a pas de prix. Si Facebook propose de vendre, par exemple, votre canapé $100 ou 80 libras, eh ben les utilisateurs vont passer par le Libra. Mmh. Il y a des incitations. Alors, c'est bien la question que je vous posais sur le fait est-ce qu'on va tous être finalement, parce que tout le monde va vouloir faire des économies, donc voilà. Conduit, incité, tenu par une main ferme. Comme le disait ma collègue, c'est la carotte et le bâton. Il n'y aura pas de bâton. Il y a en aucun cas Facebook et puis le consortium ne prendra le risque d'imposer sa monnaie, parce que là ils affrontent effectivement le régulateur et les monnaies souveraines. Par contre, s'ils incitent en faisant des frais de paiement très très peu chers et même carrément le prix affiché moins cher, là ils vont gagner effectivement des usagers et surtout ils vont gagner des données, parce que on saura où vous allez, comment vous y allez et ce que vous avez payé sur place. Alors, deux choses sur les données, on va y revenir dans un instant. Tout de même, sur la faculté des régulateurs et des États à s'opposer à ce projet, les démocrates américains ont lancé un projet de loi qui s'appelle Keep Big Tech Out of Finance Act, qui est quand même le projet de loi le plus clair dans la façon dont il est exprimé, c'est-à-dire maintenir les grandes boîtes de technologie en dehors de la finance. C'est le nom de la loi. Est-ce que aujourd'hui les États ont le moyen d'entraver, pour ne pas dire s'opposer, au déploiement de cette monnaie par Facebook ou Amazon? Nathalie Janson. J'ai du mal à voir comment ils pourraient s'opposer totalement. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement, on peut avoir, il y aura un effet de réputation, qui n'est pas très bon puisque les États sont contre. Mais de là à s'opposer, ils n'ont pas le moyen. Même en Chine, ils ont beau s'opposer au Bitcoin, il est un des plus grands, enfin une des zones géographiques qu'on utilise le plus, c'est bien l'Asie. Donc on voit pas comment on peut contraindre des gens qui, avec un libre consentement, d'utiliser une monnaie qu'ils ont envie d'utiliser. Alain Zamaria ? Oui, on parle de l'application des réglementations bancaires et des réglementations contraignantes sur Facebook et son Libra. Je sais pas si ça va être mis en œuvre ou si c'est plus une menace. Apparemment, la menace la plus forte et la plus violente pour toutes ces entreprises, donc les GAFA, ce serait des lois antitrust, visiblement. Et ça, c'est la volonté du pouvoir politique américain qui compte. Et quelques candidats en ont déjà parlé. Je crois qu'Elizabeth Warren en a discuté. Sanders, c'est un peu flou là-dessus, mais c'est un des sujets de discussion dans la campagne américaine. L'autre question, évidemment, c'est celle de la protection des données. C'est un pas plus avant. Hein. Je disais, aujourd'hui, Facebook a accès à un certain nombre de données, des données d'identité, qui servent d'ailleurs d'identification, des données, bref, personnelles. On en a suffisamment parlé. Le scandale Cambridge Analytica a révélé les apories du système. Aujourd'hui, quid de ce passage à l'intrusion dans les données bancaires? Facebook n'a pas l'image de quelqu'un qui protège quand même très correctement les données de ses utilisateurs. Est-ce que il faut faire des efforts dans ce sens-là? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que il y a de facto aujourd'hui le risque de se faire dépouiller de son portefeuille de Libra si jamais on l'utilise? Qu'en pensez-vous, Nathalie Janson? Est-ce que c'est un obstacle en tout cas au déploiement de cette future monnaie? En tout cas, Mark Zuckerberg en fait un enjeu pour rebâtir une réputation. C'est-à-dire que je pense qu'il a presque fait... Enfin, c'est vraiment un pied de nez, parce qu'au moment où on était en train de lui dire franchement, sur la gestion des données, c'est pas terrible quand même, il lance le Libra. Donc c'est quand même... il est culotté, comme on peut le dire, d'aller sur ce terrain. Et comme je disais précédemment, en fait, non seulement il va montrer que l'utilisation des données eh bien, on peut demander le consentement contre rémunération, comme je l'évoquais précédemment. C'est-à-dire que, eh bien, cette fois-ci, je vais demander aux utilisateurs de, s'ils veulent bien visionner des publicités, et du coup, je vais les rémunérer. Donc, je suis tout à fait en ligne avec le respect de la privacy. Et puis, d'un autre côté, de la vie privée, oui, excusez-moi. Et puis, d'un autre côté, je vais mettre, je dis que les informations financières seront stockées sur un autre, de façon séparée, donc dans Calibra. Et pour le moment, je ne dis rien sur ce que je vais en faire. Calibra, voilà. Qui est l'application qui est l'application qui va. Donc effectivement, donc il y aurait séparation dans la gestion des données, à la fois les données récoltées sur Facebook et de celles donc sur les transactions en Libra. Marc Bidan, votre opinion là-dessus ? Alors moi, je ne crois pas une seconde qu'un tel trésor. Que nos données financières, pas forcément, mais tout simplement notre pouvoir d'achat. Hein. Qu'est-ce que j'achète, quand, comment, combien je suis prêt à payer, etc. Je ne crois pas une seconde que ce trésor reste dormir dans les bases de données de la filiale Calibra. Je crois au contraire que les utilisateurs seront sollicités, voire même payés, pour notamment en Libra. Écoutez, Monsieur Bidan, est-ce que vous acceptez que les données financières que vous utilisez par Calibra, en utilisant le Libra, on se les approprie, on les monétise et puis on les revende. Et si vous l'acceptez, voilà combien on est prêt à vous les acheter. On voit bien tout de même, quand je vous parlais de cette espèce de mesure autoritaire soft qui conduirait les gens à utiliser cette monnaie, on voit bien tout de même le pouvoir de frappe que ça peut avoir quand on dit, par exemple, sur Booking, bah, tenez, si vous allez prendre votre hôtel en Libra, vous aurez 20% de réduction. Évidemment, d'un seul coup, enfin, ça devient effectivement une mesure, ce que j'appelle autoritaire soft, mais autoritaire quand même. Et tout à fait. C'est exactement ce que disait tout à l'heure ma collègue. Il n'est pas question que ce trésor de données sensibles ne soit pas monétisé. Alors, soit au niveau de Facebook tout seul, soit au niveau du consortium. Et c'est là qu'on revient à la stratégie du consortium. Ça va être plus compliqué. Mais effectivement, si j'arrive à acheter à un consommateur, il devient consommateur, il est plus simple usager, son consentement et le payer pourquoi pas en Libra pour dire voilà, vous m'autorisez à savoir, vous prenez un Uber, combien vous êtes à l'intérieur, où vous allez, quel hôtel, quel restaurant, et non seulement, et je me satisfais pas de la photo de votre tiramisu, mais je vais aller jusqu'à combien vous avez payé en Libra, eh bien ça, si vous m'autorisez à vous géolocaliser, etc., pendant 6 mois, pendant 1 an, voilà ce que je vous achète. Et l'usager devient consommateur et client. Et là, on a la boucle est bouclée. Et sur la sécurité de ces informations ? Ah ben, il n'y en a aucune. Aucune. C'est la sécurité, c'est la bonne foi de Zuckerberg, c'est tout. Et, il n'est pas question de... Enfin, même technologiquement, les bases de données sont tellement énormes. Et où est le cloud? Où sont les ordi? Où sont les machines? Qu'elles seront stockées? Où est-ce qu'elles seront sauvegardées? Une dernière question pour conclure. Tout à l'heure, Alain Zamaria parlait de l'hubris, évidemment, de Mark Zuckerberg et de Facebook. Cette volonté de faire de Facebook cette sorte de société monde, de super État, est-ce que ça n'est pas peut-être la menace principale? Est-ce que c'est pas un colosse au pied d'argile? Est-ce que ça n'est pas vouloir aller trop loin? Est-ce que ça n'est pas prendre le risque de faire s'effondrer l'édifice par trop d'hubris, justement? Qu'en pensez-vous, en quelques mots, Nathalie Janson, pour conclure? De toute façon, oui, vu le personnage, je crois qu'il n'y a pas de limite à l'ego, et peut-être qu'effectivement il va pécher à un moment donné par mettre trop de foi dans la capacité à se, alors peut-être pas substituer, mais en tout cas à inventer une nouvelle société. Marc Bidan, en un mot. Oui, moi je pense que soit le consortium reste tout seul, et dans ce cas-là, effectivement, ils vont essayer de faire rentrer Amazon, mais aussi Alibaba, Google, etc. Les acteurs chinois. Voilà, les acteurs chinois, les acteurs occidentaux, pour faire une énorme monnaie privée. C'est une monnaie privée. Mais ça, j'y crois pas. Soit les autres vont contre-attaquer. On en a dit tout à l'heure, Amazon, Google Pay existe, hein, Apple Pay existe, et dans ce cas-là, on aura une espèce d'oligopole qui va s'installer. Eh bien voilà un futur qu'on a envie de voir advenir dans les prochains mois. Merci beaucoup Marc Bidan, merci Nathalie Janson, merci Alain Zamaria d'être venu nous parler de cette future crypto-monnaie de Facebook. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint, Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin aujourd'hui à la technique. Demain, nous reviendrons sur l'une des controverses qui a agité le début de l'été, sur la place et le traitement des sciences dans les médias dits généralistes. L'anti-science est-elle vraiment évidemment trop exposé sur les chaînes d'infos. On revient sur la tribune NoFake Science demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.